Excusez-moi, j'étais distrait. Vous pouvez répéter la dernière phrase ? Je vous ennuie peut-être ? Non, au contraire. Mais je pensais à autre chose. À quoi de si passionnant ? Trois fois rien, des broutilles. Je pensais à la différence entre syllepse et anacolute. Ça ne va pas bien loin. Plus loin qu'on ne pense, si ça se trouve. Allez savoir. Mais là n'est pas le sujet. Ce que vous me dites est plus passionnant encore que ces histoires d'anacolute. Je vous écoute. Je reprends. S'il vous plaît. Depuis le début ? Depuis le début, non, peut-être pas. Les deux dernières phrases, trois à la rigueur. Je vous laisse juge. Après tout, c'est vous la narratrice. C'est exact. Alors, reprenons. Vous êtes bien installé ? Parfaitement. Ce fauteuil ? Parfait, parfait, je vous assure. Assez mou, pas trop. Le paradis sur terre. Je suis votre auditeur. Ok. Un roman de détective privé de sa dernière page. De Pierre Sange. Fermez les yeux. Enfin, vous n'êtes pas obligé. Imaginez une situation. Je veux dire, une situation dramatique. Vous voyez de quoi je parle. Plus ou moins. Un thème. Un point de commencement. Par exemple, les Grecs assiègent Troie pour libérer Hélène. Ou bien, un Anglais passe 27 ans sur une île déserte. Ou encore, un docteur en médecine vole des morceaux de cadavres pour en faire une seule créature vivante. Vous me dites si je fais une anacolute ? Ne vous inquiétez pas, je veille au grain. Ou une catacrèse, on ne sait jamais. Continuez, continuez. Oubliez le docteur en médecine. Je vous parle maintenant d'une autre situation dramatique, peut-être pas nouvelle, mais neuve d'une certaine manière. Elle est simple, elle est dépouillée, et malgré sa simplicité, elle est juteuse. Quelque chose qui cloche. Vous avez dit « elle est juteuse ». Vous voulez dire prometteuse, ou fertile, ou féconde. Mais si vous tenez à juteuse, libre à vous. Je vous donne seulement mon avis de grammairien. Supposons le soir, supposons l'obscurité d'une cave, et trois inconnus rassemblés dans la nuit crapuleuse. Je ne sais pas s'il faut les appeler des brigands, comme chez Dickens, ou des gangsters, ou des malfrats, disons des malfaiteurs. Assis autour d'une table éclairée par une seule ampoule. Ils sont en train de compter des billets de banque pour se partager le butin le lendemain d'un cambriolage. Ou bien encore, seconde hypothèse, ils se penchent sur les plans d'une banque, du premier étage au troisième sous-sol, l'avant-veille du cambriolage. Ça nous fait deux hypothèses. Et y en a-t-il une troisième ? Celle dont je vais vous parler. Dans ce cas, il faudra remplacer seconde par deuxième. C'est un détail, mais je suis ici pour rappeler la règle. On vérifiera dans le grévis. Comme vous voudrez. Ce qui m'intéresse, c'est la troisième hypothèse. Les temps sont difficiles, y compris pour les malfaiteurs. Les sous ne rentrent pas, on a déjà dépensé l'argent du dernier cambriolage, les banques sont devenues hermétiques et virtuelles. Il n'y a pas sur la table le plan d'une bijouterie miraculeuse. Les mauvais garçons se demandent comment gagner honnêtement leur vie. Honnêtement, signifiant bien sûr de façon substantielle. Les bijouteries. Les bijouteries, je n'y crois plus. Tu y as cru un jour ? Mais oui. Louis, dis-moi, tu crois dans la bijouterie comme les autres croient en Dieu ? Ça, ce n'est pas la même chose. Les bijouteries, je n'ai pas besoin de me casser la tête pour admettre leur existence. On en voit tous les jours. À la belle époque, on pouvait y entrer comme ça, au débeauté, selon l'inspiration du moment, un foulard sur la figure. L'air du monsieur qui décide d'un coup de tête de s'offrir un croissant au beurre. On en ressortait avec des colliers plein les poches. Je ne sais pas où tu es allé pêcher cette belle époque-là. Mais souviens-toi, Pavel, c'était avant. Avant quoi ? Avant... maintenant. Cambrioler, ça a toujours été du travail. À la fois un travail d'orfèvre et un travail de brut. Tu as peut-être raison. Mais j'ai l'impression qu'on pouvait encore avoir des projets. On était jeunes, Louis. On pourrait pas vieillir et avoir un projet ? Si, bien sûr. Prendre de l'âge. Et cambrioler, alors ? Maintenant, pour cambrioler, il faut pirater des formules chiffrées longues comme le code pénal. Cambrioleur, ça va devenir un petit métier disparu. Quelque chose de pittoresque. Comme vitrier. Mais bon sang, on sait faire tout un tas d'autres choses. Escroquerie, chantage, contrebande, usage de faux. Toi et moi, on a des talents inexploités. On va trouver. Il doit exister un moyen d'accumuler énormément d'argent en très peu de temps. Même de nos jours. J'ai l'impression que tout le monde fait ça aujourd'hui. Accumuler en très peu de temps. À la bourse, peut-être. Mais en dehors de la bourse. Le chantage, c'est des petites sommes. C'est de l'économie vivrière. Je ne veux surtout pas boursicoter. Je suis mauvais en calcul et je n'aime pas les prophètes. Bon, alors, qu'est-ce qui nous reste ? Je ne sais pas, mon vieux. Moi, je sais. Ne me regardez pas avec des yeux ronds, je vous dis que je sais. Ne fâche pas. On t'écoute. Vous êtes incrédule d'avance. Je t'assure. On est ouvert à tes suggestions. Vous avez intérêt. Primo, parce que mes suggestions ont toujours été les bonnes. Le casino de Maubeuge, le transfert de fonds de la Sedgemoor, le coup des bretzels de Times Square. Et secondo, parce que vous n'avez pas le choix. Je suis votre chef. Je vous paye assez cher pour ça. Louise, quelque chose ne va pas ? Le mot chef me gêne un peu. Il exprime la réalité, oui ou non ? Je dis pas le contraire. Mais chef est un mot masculin, et toi tu... Enfin, sans vouloir critiquer... On n'a qu'à dire chef-ten. Vous vous croyez chez les scouts ? Tu as raison. Oublie ce que je viens de dire. Ça vous intéresse de savoir comment on peut accumuler beaucoup d'argent en quelques semaines ? Mais oui. On t'écoute. Quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Encore un casino ? Pavel, laisse tomber les casinos. Du cuivre, alors ? Ça vaut une fortune, le cuivre, de nos jours. Dis plutôt le gaz de schiste. Écoutez-moi, au lieu de faire des hypothèses. Je parle d'une fortune véritable, facile et rapide. Mais attention, c'est tout nouveau, c'est inédit. Il va falloir être audacieux. Audacieux ? Dans quelle mesure ? La fortune sourit à ceux qui ne posent pas ce type de questions. Nous vivons dans un monde moderne, de plus en plus moderne, chaque jour. En ce moment même, quelqu'un est en train de mettre au point ce qui fera sa fortune si on le laisse faire et ce qui nous rendra riches si on se réveille à temps. Je sais. Les courses de lévrier. Qu'est-ce que tu me chantes avec tes lévriers ? Pas de lévrier, ni de bijouterie, ni de caisse d'épargne, ni de transfert de fonds, ni de tableaux de maître, ni d'animaux exotiques, ni de reliques sacrées, ni de trafic d'organes. Alors quoi ? La littérature. Tu plaisantes ? Ça n'a jamais enrichi personne. À part Alexandre Dumas, peut-être. Je le connais, lui. Le père et le fils. Mais eux, mis de côté, les autres se serrent la ceinture. Ils n'ont que de tout petits pourcentages. 5, 10% maximum. 10% de la caverne d'Ali Baba, c'est encore la caverne d'Ali Baba. Je suis sur une piste, un inventeur de génie. On parle de lui à droite, à gauche, mais il se cache, il se fait petit. Personne ne connaît encore son nom. Il aurait mis au point quelque chose d'inouï. Les rares qui en ont entendu parler trouvent ça effrayant, ou bien prodigieux, ou bien complètement dingue. Ça peut être les trois à la fois ? Mais en vérité, très peu savent de quoi il s'agit vraiment. Celui qui m'a donné le tuyau ne semblait pas avoir tout compris. Je croyais que c'était une piste certaine. Faites-moi confiance. Ça va être coton. Tes renseignements partent en morceaux. Mais je suis sûre de ce que j'avance. Mais dis-moi, quel est le rapport entre ce machin inouï, là, l'invention du siècle, et la littérature ? Le rapport ? Il se calcule en millions, mon brave. Jusqu'ici, ça va ? Jusqu'ici, oui. J'ai bien noté une aposiopèse. À part ça, pas grand-chose à signaler. Parfait. Alors maintenant, je vous demande de faire un effort d'imagination. Sans quoi la suite de ce récit vous paraîtra au mieux incompréhensible, au pire d'un irrémédiable ennui. Ce serait dommage. Je ne suis pas ici pour bâiller. Je vais avoir besoin de toute votre attention. Je vais me concentrer sur la syntaxe. Essayez surtout d'écouter l'histoire. Supposez maintenant un monde semblable au nôtre en tout point, à une seule différence. Le roman policier y est totalement absent. Vous y êtes ? Où ça ? Eh bien, ce monde semblable au nôtre où le roman policier est totalement absent. Je fais ce que je peux. Il faut imaginer le monde entier ? Commencez par le voisinage. Le reste ira tout seul. Ce qui compte avant tout, c'est de retirer de cet univers le roman policier. Vous m'auriez dit retirer la Joconde ou le boulevard de Sébastopol. Mais le roman policier ? Un tout petit effort. Edgar Poe n'a pas existé. Ou s'il est venu au monde, c'est pour écrire des poèmes d'amour romantiques un peu ténébreux et des fantaisies de voyage en mer. Mettons qu'Edgar Poe se noie dans la baie de Chesapeake en 1832. Il n'y a jamais eu de double assassinat rue Morgue, ni de lettres volées. Wilkie Collins meurt très jeune d'une surdose de laudanum. Il n'y a ni dame en blanc, ni pierre de lune en Angleterre. Arthur Conan Doyle fait naufrage en 1880 au large de l'Afrique. Personne n'a l'idée d'inventer à sa place un détective muni d'une loupe, obsédé par les indices et leur interprétation. Des années plus tard, Agatha Christie s'engage dans une carrière de violoncelliste. Maurice Leblanc, Gaston Leroux et Gustave Le Rouge ouvrent un restaurant rue du Faubourg Montmartre. Chesterton est élu pape. Pierre-Louis Boileau assassine Thomas Narcejacques. Et vice-versa. Raymond Chandler visite Mexico, où l'on perd sa trace. James Adlai Chase devient chirurgien-dentiste. Dorothy Sayers voyage au Tibet et s'y perd. John Dixon Carr embrasse la carrière de trompettiste. Jim Thompson rejoint Moscou et William Irish devient professeur d'université. Oui, maintenant je commence à comprendre. C'est amusant. Essayez à votre tour. Moi ? Je ne sais pas si... Mettons... Patricia Highsmith devient championne de curling. Pourquoi de curling ? Ça m'est venu comme ça. Highsmith est née au Texas, drôle de destin. La vie est parfois fantasque. Bon, l'essentiel, c'est que vous ayez compris. Sherlock Holmes n'existe pas, Hercule Poirot pas davantage, ni Sam Spade, ni Marlowe, ni Rouletabille, ni Pepe Carvalho. Retirez toutes ces personnes de notre univers et vous commencerez à en avoir une idée plus précise. Je commence à comprendre. Parfait. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'on lit alors dans les trains ? Excellente question. On ne lit rien. Le problème est bien là, on se ronge les ongles. Proportionnellement à l'absence de romans policiers, la quantité de rognures d'ongles accumulées de part et d'autre des voies ferrées est un spectacle désolant. Qui saute du train en marche s'enfonce jusqu'aux genoux dans ses reliquats de l'angoisse. Comment dites-vous ça ? Reliquat de l'angoisse. Quelque chose ne va pas. L'image est un peu tirée par les cheveux. J'en trouverai une autre. En attendant, gardez bien à l'esprit ce monde sans roman policier. Cette fois, je crois que je l'ai. Et maintenant, imaginez que dans ce monde, quelqu'un, un jour, inopinément, invente tout d'une pièce le roman policier. Comme s'il venait de découvrir la roue et s'apprêtait à l'offrir à un peuple condamné à marcher. Et comment s'appelle votre génie ? Davey. D-A-V-E-Y. Félix. Comme Félix Potin. Vous vous appelez Félix Davey Potin ? Non, non, Davey tout court. Potin, c'est juste pour la comparaison. Je voudrais déposer un brevet. Ça tombe bien, vous êtes à l'agence des brevets. Section du dépôt des brevets, bureau de l'enregistrement et guichet des formulaires. En quoi consiste votre invention ? Mon invention ? Vous déposez un brevet d'invention. S'il y a brevet, il y a invention. S'il y a invention, il y a formulaire. Je dois connaître la nature de votre invention pour vous donner le bon papier. L'esprit humain est si divers, monsieur, qu'il a fallu inventer le classement. Bien sûr. On a les catégories véhicules, instruments de mesure, combustibles, appareils ménagers, cinématographes, médicaments, couvre-chef, outils de percement, horloges et pendules, matériel d'espionnage, utopie urbaine, je ne vous dis pas tout. Vous avez une catégorie littérature ? Machine à écrire, stylo, papier, imprimerie, livre sonore avec un tourne-disque et un haut-parleur. Je crois qu'on a fait le tour, alors ? Peut-être papier ? Il faudrait être sûr. De quoi s'agit-il ? Vous pouvez parler en toute confiance. Pourquoi confiance ? Je suis assermenté. J'ai... comment dire ? Prenez votre temps, monsieur, il n'y a personne après vous. Le lundi, c'est calme. J'ai mis au point une sorte de roman. Un roman ? Un modèle de roman. J'ai appelé ça le roman policier. Curieux. Quel rapport entre la police et le roman ? Enfin, je vous dis ça, ça ne me regarde pas. Roman policier, le nom est surprenant, il va intriguer. Un peu comme moissonneuse-batteuse ou parapluie-briquet. Vous voyez ? Un peu. Si vous saviez le nombre de parapluies briquets qu'on nous dépose. Bon, en quoi ça consiste, votre roman policier? Un livre avec des menottes? Ça n'est pas aussi simple. Il s'agit plutôt d'une trame narrative. De quelle taille environ? En bois? En plastique? En corne? Non, une trame abstraite. Une forme d'histoire. Alors, cher monsieur, on a affaire à une question de droit d'auteur. Il faut déposer votre œuvre auprès d'un huissier. Je dois vous expliquer. En vérité, je n'ai pas d'œuvre. Il s'agit d'un genre. Un genre de quoi? De littérature. Mais monsieur, on ne peut pas breveter un genre. Je ne veux pas perdre mon idée. Il faudrait revenir avec quelque chose de moins flou. Il nous faut des contours nets, vous savez. Votre genre est plutôt nébuleux, sauf votre respect. Il peut rapporter beaucoup d'argent. Nous brevetons de la même façon les inventions fertiles et les idées sans lendemain. Ici, nous offrons l'hospitalité à bien des loufoqueries. Mais maintenant que je vous ai parlé du roman policier, qui me dit que vous n'allez pas vous approprier l'idée? Vous oubliez une chose, monsieur Davet. J'ai prêté serment. Sa bibliothèque est remplie de livres de mathématiques et de logique combinatoire. Félix Davet aime les sciences dures. Il maîtrise la géométrie et l'algèbre. Il joue avec les syllogismes, comme d'autres font des maquettes d'avions. Un matin, alors qu'il tente de résoudre la conjecture de Schultz, il découvre, par le plus grand des hasards, en rapprochant des mots et des nombres, le principe du roman policier. Sur le moment, sa découverte l'agace, comme un cil tombé dans son œil. Puis elle l'amuse, comme l'idée de s'offrir subitement une journée de congé. Puis elle l'intrigue, comme intriguent les intuitions prometteuses qu'on devine riches d'infinies possibilités, mais qu'on a peur de briser à force d'empressement et de maladresse. Félix aime la logique, mais il reste attentif à ses intuitions lorsqu'elles se présentent. Quand apparaît l'idée du roman policier, au lieu de la balayer pour passer à autre chose, il s'en saisit, il la note sur une feuille et en tire les premiers corollaires. Déduire des corollaires d'une hypothèse, ça y sait faire. 2 semaines plus tard, presque tous les éléments du roman policier, dans sa version détective et sa version roman noir, sont rassemblés sur 27 pages recto verso. À partir de rien, Félix invente l'assassinat et l'enquête criminelle dans leur forme littéraire. Il a l'idée de ranger les personnages dans des catégories précises. Les témoins, les innocents, les suspects possibles, les suspects probables, et parmi eux, l'assassin. Il théorise rapidement la solitude du coupable seul dans un monde de suspects et d'innocents. Puis il a la sagesse d'apporter des exceptions à cette règle d'unicité. Il comprend l'importance de faire évoluer autour d'un cadavre abject des spéculations raffinées, presque abstraites. Il sait que le moteur du roman policier se trouve là où une pensée logique, celle de l'enquêteur, se frotte à une dépouille, comme deux engrenages. Il invente les indices, il les range par catégorie, il explique comment les rendre séduisants. Il introduit la loupe parmi les accessoires. Il préconise le recours à la trace de pas et l'empreinte digitale. Il devine tout ce qu'on peut tirer d'intéressant d'un brin de tabac, d'une mèche de cheveux, des cendres d'un cigare et des traces de boue. Pendant 3 jours et 3 nuits, il met au point le détective. Il trace un tableau de ses qualités possibles, de ses identités, de ses humeurs, de ses méthodes, de ses manies, de sa tenue, en postulant toutes les variations possibles. Au matin de la 3e nuit, afin de résoudre un problème coriace, Félix Davet invente l'alibi. Il le baptise en s'aidant d'un dictionnaire de latin. Encore un verre, mon petit Marcos? Un verre de quoi? Au-delà de 3, je confonds mezcal et tequila. C'est de la vodka. Oublie tes produits du terroir. De la meilleure, de la Raskolnikov. Qu'est-ce que tu veux? Un échange de ta Raskolnikov? Rien. Je suis généreux. Voilà tout. Ça serait nouveau. Je ne suis pas contre l'idée d'échanger quelques propos. Je le savais bien. Des propos à propos de quoi? De tout et de rien. Mauvais. Je veux bien de ta vodka, mais je ne veux pas de tes cérémonies. Je te sers d'informateur depuis assez longtemps et tu me paies assez cher. Dis-moi ce que tu veux savoir et je te dirai si je le sais. C'est un peu délicat cette fois. Un peu flou. Tu as entendu parler d'un inventeur. Ah ah. Il s'agit de ça. Tu es au courant? Des bruits circulent. Il faut faire le tri. Mieux vaut avoir l'oreille fine. Moi, j'aurais pu être accordeur de piano. On parle d'un monsieur pas très grand. Il travaille dans un ministère, à ce qu'il paraît. Le genre de fonctionnaire qui répond aux lettres. Tu vois le genre? C'est l'inventeur dont tout le monde parle. Il faut croire. Est-ce qu'on sait son nom? Tu travailles toujours pour Violet Smith? Demande-lui. Elle doit pouvoir te répondre. Violet n'en sait pas autant qu'elle veut bien le dire. Alors patience. On finira par le savoir. Dans combien de temps? Tout dépend de la rumeur publique. Le temps qu'elle vienne jusqu'à moi. Donne-lui 2 ou 3 jours. Elle a besoin aussi d'argent, la rumeur publique. Elle a des frais, Pavel. Il y a autre chose que je voudrais connaître. Je t'écoute. Cette invention, la fortune, les millions, l'idée du siècle. On sait ce que c'est? Les temps sont difficiles, mon ami. Beaucoup de pauvres et de précaires. Alors, quand on parle d'argent, on s'emballe, on s'échauffe. Et quand on s'échauffe, la vérité se cache. Elle devient un secret. Alors, cette vodka, elle arrive? Ah, c'est toi, Louis. Tu as du nouveau? Pas grand-chose. J'ai parfois l'impression de faire un travail de flic. Surveillance, filature, rapport en 3 exemplaires, réunion avec la chef. On est sur un coup un peu spécial. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle espère, la chef? Son projet me paraît un peu fumeux. Un inventeur. Inventeur de quoi? De la planche à billets? Et qu'est-ce qu'on fera une fois qu'on l'aura retrouvé? On le kidnappe? On le revend aux enchères. Quelle heure il est? 9h. Normalement, il ne devrait pas tarder à sortir. Tu surveilles qui? Un certain Désiré Baudru, artiste et poète. Il habite là, au 3e, la fenêtre allumée. Je le file depuis une semaine. Le soir, il a des rendez-vous avec des confrères, tous poètes. Un genre de cénacle. Il parle. Quel intérêt? Pour lui, je ne sais pas. Et pour nous, c'est une piste. Il paraît qu'il connaît notre homme. On sait jamais. L'espoir fait vivre. Ouais, mais comme disait l'autre, il ne tient pas les pieds au chaud. Un monsieur pas très grand. La 50aine avancée. Une tête plutôt ronde. Vous savez, des petits de 50 ans, on en voit passer des tas. C'est comme si tous les cinquantenaires pas très grands se mettaient à inventer des choses. Vous n'avez pas enregistré un brevet un peu spécial ces derniers temps? Oui et non. Bon, faites-moi une faveur. Soyez plus précis. C'est vous qui manquez de précision. Votre ami de 50 ans, il manque de netteté. Donnez-moi son nom au moins. Je ne l'ai pas encore. Vous n'avez pas le nom de votre ami? C'est plutôt singulier. Il est très cachotier. Tout de même, il y a des limites. Creusez-vous un peu la cervelle. Ce n'est pas dans mes habitudes, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Un billet de banque. Mais voyons, monsieur, j'ai prêté serment. Vous êtes dans les bureaux du dépôt des brevets. N'insistez pas, même 2 billets, je ne vais pas. Même 3. Vous commencez à m'embarrasser. Ça représente beaucoup d'argent. Il suffirait de peu pour qu'un fonctionnaire moins scrupuleux que moi cède à une cupidité toute naturelle. Alors, tu as quelque chose ? Prends cette carte postale, une vue de Londres en 1900. J'ai tout écrit dessus. Félix Davet, 53 ans. Il y a trois adresses. La première, c'est là où il habite. La deuxième, c'est là où il travaille. La troisième, c'est là où il n'habite pas, mais où habite une lady. C'est aussi là où la lady travaille. Tiens, en parlant de travail... Merci. C'est quand même toi qui invites. Comme d'habitude. Pour ce qui concerne son truc là, son invention, je t'ai écrit ce qu'on m'a dit, sans tout comprendre. On va se débrouiller avec ça. Il n'y a rien de mieux à faire. Non seulement Félix Davet invente le principe de l'alibi, mais il établit un catalogue raisonné de toutes les variétés de l'alibi. L'alibi solide, l'alibi fragile, l'alibi trop bien monté pour être honnête, l'alibi authentique mais extravagant donc peu crédible, l'alibi ruiné à la dernière minute, l'alibi reposant sur une illusion optique, l'alibi reposant sur une illusion auditive, l'alibi comptant sur le hasard et l'alibi nécessitant une mise en scène si complexe qu'on en a oublié le début quand on en découvre la fin. Rends-toi compte, on peut gagner une énorme quantité d'argent. Je me demande toujours ce que les hommes entendent par énorme. Il est question de littérature. Les seuls poètes que je connais n'ont pas l'air très riches. Ils sont trois à venir me voir, je leur fais un prix d'amis. J'ai l'impression qu'ils n'ont qu'un seul manteau pour trois et qu'ils le portent à tour de rôle. Je t'assure, j'ai fait des calculs. À partir de quoi ? De nombreux critères. Taille du livre, nombre de pages, nombre de personnages, nombre d'assassinats, quantité de sang. Ils sont scientifiques, tes critères ? Ils n'ont pas l'air ? J'ai connu mieux. Il faut penser critères de complétude, qualité de l'acquisition des données, précédence entre tâches, contrôle des contraintes temporelles. La science ne supporte pas l'amateurisme, Félix. Je ne voudrais pas devoir subir le destin des amateurs et des autodidactes. Je ne veux pas qu'on se moque de toi. Pas de risque, crois-moi. Le roman policier peut rapporter des fortunes. J'ai calculé qu'un roman policier bien construit peut dépasser le million d'exemplaires. Compte tenu qu'il peut rapporter à son auteur 10% du prix de vente hors taxe, ça représente une jolie somme. Sans parler des droits de traduction. Tu vas te mettre à écrire ? Non, je me contente d'inventer. Je pense maintenant avoir fait le tour du problème. Tu sais que je peux être exhaustif. Oh oui. J'ai mis toutes mes théories par écrit. J'ai dessiné des plans. J'ai fait des tableaux et je les ai remplis. J'ai établi une liste complète des personnages et des situations possibles. J'ai fait aussi la liste de tous les indices qu'un détective peut retrouver sur la scène d'un crime. Et j'ai fait mieux. J'ai mis au point une matrice dans laquelle on pourra mettre en relation deux indices quelconques. Mettons moitié de pomme et page arrachée à un livre de Tolstoï. En retour, la matrice indiquera les déductions qu'il faut en tirer. Je pense bientôt pouvoir combiner trois indices, et même davantage. Félix, j'apprécie beaucoup ton enthousiasme, mais tu devrais être prudent. Si tu parles à tout le monde de tes millions d'exemplaires, ça va faire des envieux. Personne ne peut s'intéresser au roman policier, il n'existe pas encore. Justement, on pourrait te voler ton idée. Je t'ai confié un secret, il reste entre nous. De toute façon, tu as déposé un brevet. Je n'ai pas pu, non. Je ne réponds pas aux critères, il paraît. Alors qu'est-ce que tu vas faire ? S'il n'y a pas de brevet, si tu n'écris pas toi-même ? En fait, j'ai pensé à tes deux ou trois poètes qui se partagent le même manteau. Tu pourrais me les présenter ? Je leur proposerai de faire équipe. Normalement, quand je reçois, un monsieur entre par la porte de devant, l'autre sort par la porte de derrière. Félix Davet invente le coupable inattendu, le coupable désigné s'avérant innocent, puis le coupable désigné s'avérant réellement coupable après s'être fait passer pour innocent à force d'avoir l'air coupable. Il met au point le principe du mobile, puis détermine 47 catégories permettant de classer l'ensemble des mobiles d'un crime, allant de haine pure jusqu'à élimination d'un témoin encombrant. Il invente les pistes et les fausses pistes, les intrigues secondaires, les faux suspens et les messages secrets. Le même soir, à une heure d'intervalle, Félix Davet met définitivement au point le personnage du valet de chambre laconique et celui du détective privé, revenu de toutes ses illusions. Vous avez l'heure, monsieur Valmont ? Pardon, à qui ai-je l'honneur ? Quelle idée de sortir par la porte de derrière ? Vous avez peur d'une mauvaise rencontre ? C'est idiot. Du coup, vous vous retrouvez dans une impasse ? Je vous connais. Comme toutes les impasses, elle est fermée à un bout, ce qui fait son charme et aussi son mystère, vous ne trouvez pas ? À l'autre extrémité, si vous regardez bien, vous remarquerez deux messieurs beaucoup plus grands que vous. Celui qui tient quelque chose de pesant dans sa main droite s'appelle Louis. Et Pavel, c'est celui qui a les mâchoires carrées. Mais je reconnais que c'est difficile à distinguer d'ici. Vous feriez mieux de me croire sur parole. Madame, vous me voulez quelque chose de précis ? Bavarder seulement, mon cher Horace. Vous permettez que je vous appelle Horace ? Si vous voulez, bavardons. À propos de quoi ? Je n'ai plus beaucoup d'idées. On ne peut pas appeler cette rue un salon littéraire. Cependant, rien ne nous empêche de causer. Même debout. Vous êtes romancier, Horace, c'est bien ça ? Mieux que ça, écrivain. J'ai un livre en cours. Enfin, une œuvre. Vous avez aussi publié 3 recueils de poèmes. Une admiratrice, dans une impasse. C'est cocasse. Vous m'excuserez, je n'ai lu aucun de vos livres. Pas de mal, c'est de la poésie hermétique. Vous voulez dire de la poésie assommante ? Je vends très peu, je n'assomme pas beaucoup de lecteurs. Vous débutez, après tout, quoi de plus normal ? Le bouche à oreille va finir par fonctionner. C'est ce qu'on dit toujours, j'ai fini par le croire. Dites-moi, mon petit Horace, puisqu'on est entre nous et qu'on parle de littérature, le nom de Félix Davet vous dit sans doute quelque chose ? Tu as lu le dernier roman de Maxime Bermond ? Pas encore. Il me l'a envoyé, je l'ai posé au-dessus de la pile. Moi aussi, j'en suis venue à faire des piles. Comment tu le trouves, son livre ? Remarquable, vraiment remarquable, une merveille. 43 exemplaires vendus, c'est à désespérer de la littérature. Enfin, je veux dire de l'édition, l'un ou l'autre en tout cas. À qui le dis-tu ? Toujours mieux que le dernier Horace Valmont, 27 exemplaires. Et je le soupçonne de les avoir achetés lui-même. Décidément, le pauvre vieux, pas de chance. Pourquoi pas de chance ? Il a fait une mauvaise chute, dans une bibliothèque, du haut d'une échelle. Qu'est-ce qu'il était allé faire sur une échelle ? Je ne sais pas. Lire un livre, peut-être ? On en trouve de très épais, très lourds, tout en haut des étagères. Maintenant, il porte une Minerve. Ça lui donne un petit côté Lamartine. Ah oui, bien sûr, Lamartine. Et toi, tu travailles sur un livre en ce moment ? Non. Enfin, oui. J'ai un projet. Je peux en savoir plus ? J'ai promis de ne rien dire. À qui ? Tu as un agent maintenant ? Moi ? Jamais de la vie. Alors ? Je ne préfère pas. Encore un recueil de poésie expérimentale ? Non, pas du tout. Au contraire, ce sera peut-être expérimental, mais cette fois... Cette fois quoi ? Ça va se vendre, et beaucoup. Tu as l'air bien sûr de toi. J'ai trop bu. Oublie ce que j'ai dit. Ça va être difficile. Tu as une martingale ? Tu as vendu ton âme au diable ? Tu es devenu le nègre d'un secrétaire d'État. Oh ! Je crois que je brûle. J'ai trop parlé. Fais comme si je n'avais rien dit. J'ai l'habitude. Et puis, tu gardes tout ça pour toi, hein ? Moi ? Je suis une carpe. Enfin, je veux dire une tombe. Allez, t'en fais pas. Ça ira mieux demain. Qu'est-ce qui ira mieux demain ? Eh ben toi. Enfin, j'imagine. Ça m'étonnerait. Laisse faire la nature. Je compte bien laisser la nature en dehors de mes problèmes. En un mois, tes soi-disant écrivains n'ont pas été fichus de terminer une page convenable. Je leur ai fourni des sujets en or, pourtant. En or. Ce sont des poètes, Félix. Je les connais. Ils sont laconiques. Ils sont tous comme ça. Un mot par jour. Et encore, il faut que ce soit le bon. Ça leur donne un air un peu désertique. Mais rends-toi compte. Pour que le roman policier marche, il faut qu'il y ait des pages. Beaucoup de pages. Pourquoi faire tant de pages ? Pour distraire. Pour tenir la durée d'un trajet en train de Saint-Pétersbourg à Odessa. Et puis, il faut qu'il y ait assez de place pour développer un récit au bon rythme entre le début, découverte d'un cadavre, et la fin, résolution de l'énigme. Quel rapport entre cadavre et énigme ? C'est précisément ça, la trouvaille. Le roman policier, un mélange de cadavres et d'énigmes. Je voudrais bien savoir comment tu t'y prends. Tu le sauras quand tu en auras lu un. Tout ce qu'ils ont été capables de produire jusqu'à présent, c'est trois feuillets secs, durs et noirs comme de l'ardoise. Les trois pages que tu m'as fait lire ? Ces trois-là, oui, exactement. Ah oui, je vois. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est assez abscon. On dirait Héraclite, tu sais, l'obscur. Oui, je sais. Ça a son charme aussi, Héraclite. Il n'a pas vendu 1 million d'exemplaires. Il n'a pas eu le temps, il est mort trop tôt. Et puis j'ai l'impression que tes petits poètes parlent partout à tort et à travers. Je n'aime pas ça. Les chercheurs d'or remuent quantité de terre et trouvent peu. Ouais. Je vais faire du café. Vous arrivez à suivre ? Je sais que mon intelligence a parfois tendance à s'assoupir, contrairement à celle de Sherlock Holmes, mais je n'ai pas perdu le fil. C'est amusant, une intrigue, quand on oublie les problèmes de grammaire. La vôtre est limpide. Elle est même linéaire. Ça m'étonne de vous. Je vous ai connu plus biscornu. Cela dit, il y a linéaire et linéaire. On apprend à se méfier. J'ai vu des feuilletonistes faire revivre un second rôle qu'ils avaient laissé pour mort à l'épisode précédent. Tenez, puisqu'on en parle, j'ai fait la liste des personnages. Félix Davet, inventeur. Lady Beresford, disons sa confidente. Violet Smith, chef de gang. Louise Perena et Pavel Cernin, porte-flingue. Albert Campion, guichetier. Marco Savisto, informateur. Horace Velmont, poète accidenté. J'en oublie ? Désiré Baudru. Qui c'est ce Baudru ? Comme Horace Velmont, c'est l'un des trois poètes de Madame Beresford, ceux qui se partagent le même manteau. On l'entend dans une librairie, un soir de signature, un verre de champagne à la main, parler à Hildegard Withers. Allons bon, Hildegard, voilà encore un nom incongru. Où allez-vous les chercher ? Je vous dirai ça un peu plus tard. Si je me souviens bien, cette Hildegard Withers est la dame qui est à la fois une tombe et une carpe. C'est du moins ce qu'elle prétend. Un inventeur, un secret mal gardé, des rumeurs dans des salons littéraires, la cupidité parsemée un peu partout comme du poivre en grain, des mauvais garçons à la sortie d'une impasse. Admettons, ça intrigue. Quoi d'autre ? Vous ne vous doutez de rien ? Je ne suis pas soupçonneux, moi. Violet Smith et les siens interrogent des poètes ivres à la sortie des cabarets. Ils menacent des libraires. Ils torturent savamment le représentant d'une grande maison d'édition. Ils comparent leurs notes. Ils font des recoupements. Ils prennent en filature un agent littéraire. Ils s'en vont chasser les écrivains fantômes. Et en quelques semaines, ils remontent la piste jusqu'à Félix Davet. Et lui ? Il peaufine son invention sans prendre conscience du danger qui le menace ? Ce n'est pas tout à fait vrai. Le danger, il le voit venir. Tant mieux pour lui. Il imagine nettement un filet qui se resserre. Voilà un garçon lucide. Je l'imaginais distrait. En attendant que le filet se resserre pour de bon, Félix Davet a beaucoup à faire. En démontant puis en remontant un secrétaire en acajou et palissandre datant du XVIIIe siècle, après lui avoir ajouté un morceau de la mécanique d'une machine à écrire, des engrenages, des roues, la manivelle et les cylindres d'un orgue de barbarie, il met au point un appareil à générer toutes les intrigues possibles, tous les préludes, les développements et aussi tous les épilogues. Je voudrais bien savoir à quoi ressemble sa machine. Selon vous, elle est efficace ? Les trois premières intrigues qu'elle engendre s'intitulent « L'inconnu du Nord Express »,« Le meurtre de Roger Ackroyd » et « Le grand sommeil ». Excusez du peu. En effet, rien à redire. Elle est performante. Non seulement ça. Félix Davet fournit avec sa machine un algorithme lui permettant de comprendre l'intrigue du grand sommeil. Comprendre le grand sommeil ? Madame, si vous voulez mon avis... Mieux vaut rester dans le domaine du vraisemblable. Cette fois, on le tient. Comment ça, on le tient ? Personne ne m'a mis au courant. Façon de parler, Louis. Je veux dire que notre cher Félix Davet est foutu. Bon, d'accord, dit comme ça, je préfère. Parce que tout ce qui est rapt, kidnapping, enlèvement, disparition, je préfère m'en occuper moi-même. Précisément, tu vas devoir t'en occuper. Avec doigté, n'est-ce pas ? Du tact, de la discrétion, de la courtoisie. Pourquoi de la courtoisie ? Pour ne pas froisser notre homme. Il va nous être utile. Il pourra être utile et froissé. Il faut qu'il garde toute sa tête. N'oublie pas que c'est un inventeur. Ça suppose un cerveau. Je ne vise jamais le crâne. Tu devrais le savoir depuis que tu me connais. Un coup de bâton est si vite parti. Bon, messieurs, on parlera de crâne et de bâton un autre jour. Il n'y a pas beaucoup de temps à perdre. Il n'y en a même pas du tout. Il y a eu des rumeurs. Des on-dit. Les gens ont jasé. Dieu sait si ça jase pendant la foire du livre de Francfort. À l'heure où je vous parle, des centaines d'écrivains désœuvrés ont compris qu'il y avait une fortune à se faire avec cette nouvelle invention. Des poètes, des chanteurs de rue, des essayistes, des universitaires, des érudits locaux, des petits romantiques, des autobiographes, des pigistes, des plagiaires même, des auteurs d'aphorismes. Ils sont tous en train de courir à la recherche du roman policier. C'est absurde. L'absurdité n'engendre pas toujours la circonspection. Tu peux répéter la dernière phrase ? Certains ont commencé à écrire, à ce qu'il paraît. Si on laisse faire cette bande de graphomanes, les livres vont sortir de presse, ils vont se vendre par camion entier, et la fortune va nous passer sous le nez. Il y a une chose que je déteste par-dessus tout, c'est de voir la fortune me passer sous le nez. Je trouve ça indécent. On va s'en occuper. Ce monsieur Félix, on le kidnappe quand tu nous l'ordonnes. On te le ligote avec courtoisie, on lui met un sac en papier sur la tête, et il est à tes pieds. Réglez-moi ça le plus tôt possible. Qu'est-ce que tu suggères ? Enlèvement ordinaire ou rapt à la sicilienne ? Non, pas de risque inutile. Pour ce qui concerne le roman policier, vous récupérez tout ce que vous pouvez. Brevets, plans, notes, documents, appareils. Avec tout ça, on fera de l'or. Et pour ce qui concerne l'inventeur, vous procéderez plutôt à une élimination classique. On n'a pas besoin de lui. Comme tu veux. Pour nous autres, c'est même plus simple. On élimine, on jette à l'eau, on rentre à la maison. Une balle de pistolet, par exemple. Dans la tempe. Et pour finir, comme d'habitude... Ouah, ouah. Dans le vieux port. Comme d'habitude. Mais pas trop appuyé, hein. Faites-moi quelque chose d'allusif. Je n'aime pas m'attarder sur le vieux port à cette heure-là. Tu as peur d'être remarqué en bonne compagnie. Il fait nuit, il n'y a personne. On en connaîtrait à peine. Il y a seulement un réverbère malingre à 300 mètres. C'est bien ce qui m'inquiète. Le réverbère ? L'absence de réverbère. Tu ne risques pas de tomber. Je te tiens. J'aurais préféré me promener ailleurs. Tu ne le trouves pas romantique, le vieux port ? Il ne sent pas très bon. Oh, quelque chose te tracasse encore. Le mot est faible. Donne-moi un mot moins faible. Je vais te donner un nom moins faible. Violet Smith. Je connais ce nom-là. Tout le monde le connaît. Violet Smith, Louis Perena, Pavel Cernin, et j'en passe. Toute la bande. Oui, ça me revient. Le casino de Maubeuge. Exact. Il te cause des problèmes ? Trois fois rien. Ma tête est mise à prix. Ça arrive à tout le monde. Je ne plaisante pas. Ils ont juré de me liquider. Des petits poètes ont parlé, figure-toi. Maintenant, dans toute la ville, tout le monde cause du roman policier sans même savoir de quoi il est question. On a retrouvé Horace Velmont recroquevillé dans une impasse. Des inconnus ont forcé Désiré Baudru à avaler son encre de Chine. Hildegarde Withers a disparu sans laisser de traces. Kate Branigan aussi a disparu. Sauf qu'elle, elle a laissé des traces, ce qui est encore pire. La librairie Meyer-Meyer a été incendiée. Les éditions Valandeur sont parties en fumée. On a retrouvé l'auriculaire de Robichaud dans une lettre envoyée à Van der Valk. Tous ces indices dessinent une piste en forme de spirale qui me cerne chaque jour de façon plus serrée. Tu dois me prendre pour un fou. Mais non, je t'assure. Qu'est-ce que tu comptes faire ? J'ai placé un exemplaire de mes plans dans un coffre à la banque, un deuxième à la poste et un troisième dans un endroit connu de moi seul. Pour le reste, je vais m'en sortir, tu peux me croire. Je te crois. Mais comment ? Bonne question, ça. Comment ? Il a l'air un peu démuni, votre Félix Davey, face à la grande machine guerrière de Violet Smith. Vous voulez savoir s'il va s'en sortir, et de quelle façon ? Je suis impatient. Vous voulez dire par là que vous avez marché ? Mon histoire vous intrigue ? Oui, je dois le reconnaître, malgré ses défauts. On aime toujours marcher. Se laisser prendre au jeu est une générosité de lecteur envers le livre. Vous trouvez qu'il y a des défauts ? Il s'agit d'un premier jet. On va corriger tout ça. Encore des anacolutes ? Un zeugme ou deux, ici ou là. Des répétitions. Des formules malheureuses. Par exemple, la piste en forme de spirale qui cerne chaque jour de façon plus serrée. J'imagine mal une piste en forme de spirale. Vous avez tort. Sans doute. Je continue ? Je vous en prie. Vous venez de parler de la machine guerrière de Violet Smith. Inéluctable machine. Vous oubliez que le faible Félix Davey possède lui aussi une machine. Son roman policier ? Je parle de son appareil né de l'accouplement d'un secrétaire en acajou et d'une machine à écrire. Un appareil a généré toutes les intrigues possibles. On peut s'en servir comme d'une arme à feu ? Pas tout à fait, mais presque. Vous êtes bien sibylline. Félix Davey se sait en danger de mort. Violet Smith et les siens prévoient d'en finir avec son esprit et de jeter son corps au poisson. Il lui reste quelques heures à vivre, il le sait. La balle qui le mettra à mort est déjà engagée dans le magasin du pistolet. C'est joliment dit. Au lieu de se cacher dans une cave, Félix fait travailler son appareil à générer toutes les intrigues. Il le nourrit d'abord des prémices qui conviennent. Un inventeur, des poètes bavards, des écrivains cupides, une bande de malfrats et le nom de Violet Smith. Pour générer une intrigue exactement semblable au cauchemar qu'il est en train de vivre, Félix Davey ne veut rien négliger. Il entre un à un les détails de l'histoire comme s'il écrivait un roman de 250 pages et préparait son plan avec d'autant plus de minutie que ses lecteurs sont exigeants. Ils sont aux aguets. Il traque les détails comme le détective cherche les indices ou comme l'assassin repère sa cible avec son fusil à lunettes. Toute la nuit, la machine se met à ronfler. Au petit matin... Pourquoi au petit matin ? C'est plus joli comme ça. Au petit matin, l'appareil a généré toutes les intrigues, soumet à Félix Davey 7 cahiers dactylographiés. 7 versions possibles de son histoire. Bien entendu, vous allez me dire qu'il les lit avec avidité. C'est exactement ça. Dans les 6 premières versions de son histoire, Félix Davey meurt. Dans la 7e, il reste en vie. Il parvient même à devenir riche. Félix brûle les 6 versions fatales. La dernière, il la prend par cœur ? Il a seulement le temps d'y jeter un coup d'œil. Suffisamment pour savoir qu'il peut rester en vie, il ne sait pas encore comment. Des bruits de pas dans l'escalier. Il plie les pages de son intrigue, il les glisse sous sa chemise et s'enfuit par les toits. Et ? Et alors ? La suite ? La suite est confuse. Il s'efforce de suivre, ligne après ligne, mot après mot, l'intrigue telle que la propose sa 7e version. Il abandonne les pages au fur et à mesure. C'est une erreur, il ne devrait pas. Selon lui, rien ne peut le détourner du destin déjà écrit sur les pages du livre. Pourtant, 2 précautions valent mieux. Il court le long des rues, il fait plusieurs fois demi-tour. Il entre dans les immeubles par une porte et ressort par l'autre. 1 heure après le début de sa fuite, autrement dit 12 pages plus loin... Il trouve refuge, provisoirement, dans l'appartement d'une amie. Encore cette Lady Beresford ? Non. Cette fois, il s'agit de quelqu'un d'autre. Là, il reprend son souffle. Il s'endort un instant. À son réveil, il lit les pages qui lui restent à vivre et, comme un musicien en retard sur sa partition, il se remet à courir. Il redescend les escaliers, encore des rues, encore des portes. Il consulte maintenant l'avant-dernière feuille. Persuadé de s'en sortir parce que la nuit n'est pas tombée, qu'il ne se trouve pas sur le vieux port et qu'aucun assassin ne se tient dans son dos. Sur cette feuille, il est écrit « Au milieu d'une grande place déserte, balayée par le vent ». Dans ce vent, Félix Davet abandonne la feuille. C'est à ce moment-là qu'il constate que la dernière page lui manque. Vous êtes Monsieur Félix Davet ? Oui. Je savais vous retrouver ici. Mais il est écrit « Une grande place déserte ». Qu'est-ce que vous faites là ? Je suis un personnage discret. Avec ou sans moi, le désert est le même. Vous venez me tuer ? Je vous préviens, ça ne sera pas possible. La version de l'histoire dans laquelle je me trouve me fait vivre encore 20 ans. Ce n'est peut-être pas la version de l'histoire dans laquelle moi je me trouve. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas un assassin. On m'a confié le rôle de l'informateur, modeste et intrigant à la fois. Je suis ce personnage pratique grâce à qui on finit par tout savoir, au moment où l'intrigue a besoin d'éclaircissement et de pistes fraîches. Monsieur Félix Davet, vous ne voulez pas apprendre de moi l'information qui vous fait défaut ? Je vais vous aider. Il vous manque la dernière page, n'est-ce pas ? Celle qui vous indique comment survivre. Je le sais, je vous suis depuis le début. J'ai récupéré toutes les autres. Prenez cette carte postale, une vue de Chicago au temps de la Prohibition. Tout est écrit dessus. Rendez-vous à l'adresse, à l'heure et au jour indiqué. Une personne vous y attend. Elle vous rendra votre page. Bien sûr. En échange, vous devrez lui donner l'ensemble des plans, des chiffres et des mots qui constituent votre roman policier. Le procédé n'est pas très noble, mais personnellement, je ne jette la pierre à personne. Au revoir. Attendez, attendez. Qui est la personne censée attendre Félix Davet ? Vous ne devinez pas ? Parce qu'il faut deviner ? Il s'agit d'un roman policier, mon ami. Le lecteur est invité à déduire. Bon sang, déduire. Je n'ai pas trop l'habitude. Essayez. Comment ? Il faut rassembler les éléments. Les éléments ? Une page manquante, une carte postale, la fuite par les toits, des rues et des portes, des feuilles dactylographiées abandonnées au vent. Continuez. Qu'est-ce que vous avez raconté d'autre ? Une heure après le début de sa fuite, il trouve refuge dans l'appartement d'une amie. J'ai pensé à Lady Beresford, mais ce n'est pas Lady Beresford. Après ça, il reprend son souffle, il s'endort. C'est ici, n'est-ce pas ? Ici quoi ? Félix s'endort, la dame inconnue subtilise la dernière page. Elle veut pouvoir le faire chanter. Bravo ! Pas si difficile. Mais avez-vous une idée de qui est cette dame ? Eh bien, je suppose, pour que l'intrigue conserve un minimum d'élégance, c'est une dame dont on a déjà entendu parler. Exact. Et même plusieurs fois. De plus en plus exact. Mais en dehors de Lady Beresford, je ne vois pas quel personnage féminin récurrent on peut se mettre sous la dent. Cherchez encore ? Cherchez encore. Cherchez la femme. C'est une autre des inventions de Félix Davet, je suppose. Je ne vois pas. Un petit effort, mon ami. Une femme dont vous avez entendu la voix constamment depuis le début de cette histoire. La voix ? Mais oui. Vous voulez dire que c'est vous ? Ça n'a pas de sens. Quand vous vous serez familiarisé avec le roman policier, vous constaterez que ce genre de, disons, de pirouette arrive de temps à autre. Alors, vous possédez la dernière page ? Oui. Vous faites chanter Félix Davet. Je vous choque ? Vous m'intriguez au contraire. Depuis le début, cette page est là, devant vous sur cette table. Si vous avez bien suivi l'intrigue, vous savez qu'elle vaut de l'or. Oh, j'ai bien suivi. Je peux regarder ? Hein, je vous en prie. Vous croyez qu'il va marcher ? Bien sûr qu'il marchera. sa vie contre une page de livre. Et Violet Smith, les assassins. Ne vous en faites pas pour eux, tout est écrit sur cette page. J'ai du mal à le croire. Lisez, ou plutôt non. Écoutez. Il arrive. Dans 45 secondes, il sonnera à la porte. Vous allez assister à l'épilogue d'une histoire policière. Je suis un peu ému. C'est la première fois. Tout va bien se passer. Vous croyez ? Mais oui, ne soyez pas nerveux. Il y a parfois des retournements de dernière minute. Il n'arrivera rien. Permettez-moi d'en douter. Absurde. Est-ce que la dernière page prévoit par exemple que je vous tue et que je m'empare de l'invention de Félix Davet ? Eh bien, non, pas du tout, mon ami. Dans ce cas, innovons. D'où sortez-vous ce pistolet ? D'un autre roman policier, ma chère. Un vieux truc anglais, un peu désuet, mais plutôt efficace. Et je peux vous jurer que les balles sont réelles. C'était un plaisir de vous écouter. Entrez. Je vous attendais. Un roman de détective privé de sa dernière page. De Pierre Sange. Avec Violaine Schwartz, Irène Adler, Sava Loloff, Jim Barnett, Dominique Parent, Félix Davet, Servane Ducor, Violet Smith, Emmanuel Matt, Luis Perena, Pascal Sangla, Pavel Cernine, Jacques Mazeran, Marcos Avisto, Catherine Ferrand, Lady Beresford, Stéphane Choucroun, Albert Campion, Mathias Dubois, Horace Velmont, Christelle Tual, Hildegard Withers, Gabriel Dufay, Désiré Baudru, et la voix de Leslie Menahem. Bruitage, Bertrand Amiel. Musique originale, Pascal Sangla. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel, Manon Houssin. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Sophie Haute-Picon.